الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهي une petite erreur dans l'audio du cours, les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijja. Concernant les invocations conditionnées, donc j'avais dit que cela commençait à le jour de l'Eid. Mais en réalité, cela, selon la parole de beaucoup d'hommes de science, commence pour les invocations et les glorifications d'Allah et la proclamation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela commence à le matin de Arafat, c'est-à-dire après Salat al-Fajr du jour de Arafat. Barakallahu fikum.